l'essentiel de mon RAP. Ma vie est bâtie sur un rêve passionnant. Bien sûr, avec censuration, à la limite de mes fantasmes. Je me sens des chinois, je fantasme sur cette petite brune. Encore sexy, brunée par des éclats de soleil. Tu étais ma vie, mon éternel. J'ai toujours souhaité sans relâche, H24, sans regret, sans précédent. Mon éternelle lumière, la seule qui brillait encore dans mon cœur depuis le temps. Et l'eau ont coulé, des rivières sèches. Ma plume s'est éteinte, mouillée. Des rires et des pleurs à effacer. Souvenirs de rêves blessés. Ton sourire et tes joies à ne pas oublier. Oublier, je suis loin de toi, je le sens. Et j'ai la haine, tu le ressens. H24, je déprime, je pense à toi. Après tout ce temps passé auprès de toi, près de toi. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont cessé de couler auprès d'un rêve blessé. C'est si vrai, tu reconnais un caractère de sentiment. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont coulé auprès de mes rêves blessés. C'est si rêve, tu reconnais un caractère de sentiment. Blessé, blessé. J'avais une part dans ton cœur, tu m'as brisé le mien. Et mes rêves blessés, tu m'as lâché. Point clash, j'exprime juste la vérité qui est en moi. Écoute mes sentiments et ressens mes pensées. Ce type est un bâtard, il va te tromper derrière toi, dans d'autres bras. Tu le verras, non. Va pas trop vite, laisse le temps et les sentiments te dépasser. Ressens mes anges, je te crache ma vérité. De te voir comme ça, ça me déplaît. Quitte-le avant de déprimer, à force de trop se désirer. Tu finiras le cœur brisé, tu finiras comme moi. Avec des rêves blessés, avec des rêves blessés, avec des rêves blessés. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont cessé de couler auprès d'un rêve blessé. C'est si vrai, tu reconnais un caractère de sentiment. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont coulé auprès de mes rêves blessés. C'est si rêve, tu reconnais un caractère de sentiment. Blessé, blessé. Au troisième couplet, c'est de la tuerie de Cécirez. Je me vide la vue, l'esprit. Un aperçu de moi pour le moment n'est pas très concevable. Un aperçu de toi me gâche la vue. C'est comme cette tache de sang qui lui a sur mon mur. Encore toute fraîche, oh my, je suis rougeant. Car mes pensées sont sanglantes, énervantes ou accueillantes. Pour les MC qui me tentent, ne laisse pas mon RAP pour le moment. T'as vu, mon rêve et mes pensées sont bien trop dispersées à cause de mes rêves. Blessés, partis dans tous les sens, comme cet aveugle livré par son testament. Il le dit, le temps il va chanter. À croire que tout le monde a des rêves blessés. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont cessé de couler auprès d'un rêve blessé. C'est si vrai, tu reconnais un caractère de sentiment. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont coulé auprès de mes rêves blessés. C'est si rêve, tu reconnais un caractère de sentiment. Blessé, blessé. Ma limite a été dépassée par le temps. Mais les sentiments pour toi commencent à se disperser. Un peu comme dans le vent, navré, un coup de poignard. Tu es venu me déposer dans la poitrine mes rêves blessés. Tu pourrais peut-être me changer, juste un oui me suffira. C'est si raise, écoute-moi, je suis là. J'ai encore plus la haine qu'à la base. Je ne retournais pas à ma case. Aucun regret, aucun remords, aucune excuse à te dire je flémis. Pour te dire je t'aime, moi j'y pense. Tu oublies ces bâtards. C'est si raise, empire avec la faute warrior. Je piétine seulement à mes pieds. Tu risques plus te lever, te lever. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont cessé de couler auprès d'un rêve blessé. C'est si raise, tu reconnais un caractère de sentiment. Tu étais la seule ma vie, celle qui auprès de moi m'aimait. On s'est presque tout dit de nos passés depuis ce jour. Mes larmes ont coulé auprès de mes rêves blessés. C'est si rêve, tu reconnais un caractère de sentiment. Blessé, blessé. L'essentiel de mon RAP, c'est si rêve, blah.